Quand je fais du sobre, on me dit que c'est trash. Voilà un fils d'up, t'as raté le coche. Tu veux fonctionner, bah faut que tu craches. Avec les billets mauves, puis l'eau je me cache. Oui, le grade des pètes va grade des caches. Dans le dernier clip, ça sort la poche. Mettre avec toi, ça, ça fritage. La vérité, j'ai pas envie que mon fils soit moche. T'as pas le bras long, normal qu'on bâche. Dans les plats, vont plus son que bouger. Concert Lyon, on fout cap sa cage. Et dans ta neb, c'est mieux tu bouges. Viens pas tâter si t'as pas le gap. Croche les gamelles comme Cookie Doux. Dans ce putain de game, y'a que des nabs. Ou tu sais mieux que tu fermes ta bouche. 2018, j'ai une vision. Voici ma résolution, je veux une Asia. En plus, c'est lui comme dommage, c'est dommage si elle prend pas dans le pion. Elle est beaucoup plus jolie sur Insta. Hein. Semblant d'écouter la question. Je vais, je ça coûte, c'est pas ça. S'il m'intéresse le veston, je fais pas dodo sur mon bédo et mon pan. Ça va, voici si tu quêtes comme un porc. Oui, quand il est ensemble, je suis comme poil. Voilà du genre, tu me donnes du trap. J'ai versé mon sperme sur leur visage. S'il est pas content, ça pomme, je fais un enfant. Un petit bouchier, un génie, mais pas trop, vu qu'il aura quand même le sang de sa maman. Azur me dit. Azur m'ont dit qu'on a v'là le temps. C'est pour la vie qu'elle m'a dit, j'ai dit oui, mais je pense pas que je suis partant. J'ai pas chez les gens, mais je suis partout. Là, je suis dans sa fin. Je regarde pas ma montre car le succès attend la partout. T'as le seigneur, lui claquer comme Rogue One. Le charco vent comme un petit prince. Les solions sont la qualité, les gens partagent. La femme fait vivre les gens de placard. La bouche ouverte comme un tartare. Sachant si tisane est dans le massacre. Smoke la bouche, je suis lèche comme un bantam. La plupart des goofs y croient au Père Noël. Ma musique sera l'autre. Je suis pas un marabout, j'ai l'âme dans le totem. La basse provoque des acouphènes. L'œil ouvert depuis la tourelle. L'œil ouvert depuis la tourelle. L'œil ouvert depuis la tourelle. T'as plus de grade sur le canapé comme le chat de Norman, nique le Manchester. Je comprends rien à ce que tu dis, même en concert, je vais manger un bon tender. Bientôt disponible sur le Google, plus au Labster interne, je prends le directeur. Allez, clique sur ton laptop, t'es pervers comme le dauphin, je te vois depuis mon home center. Je représente la jeunesse future, je suis un hot boy. Mantouille, je t'oublie pas même dans mes rêves, t'es une meuf bonne. J'ai la tête dans le Wisconsin, toujours un côté machin à la Malfoy. Je vois tout petit du haut de la montagne, je pète comme un combat de folle. Quand je suis vif sur la pire, des moments abîmés, c'est jaloux, va voler mon quad tol. J'ai mis ce truc sous putain de clé, 200 visions pas après. On avertit pas tes potes, pouvez-vous me passer? Un joint déjà tassé, pas s'attaché, pas de sachet nous, pas de sachet blanc. Dégage, tu vas te perdre, maintenant tu devrais me plaire. Ces bâtards ils sont sur le net, ils sont discrets. Et je me perds un chemin juste pour traîner, penser plus longtemps. Ils auront buté la concurrence quand je me mets à penser au futur. T'as vécu un passé récurrent et aujourd'hui tu fous la merde dans la structure. Pourvu que le truc dure, la galanique pue. On détient ce truc, dans la luxure. Pélo, faut que ça vienne détruire. Pélo, faut que ça vienne détruire. Et on s'en tape si ils pensent qu'on fait pas de la frappe. On s'en tape. Pélo, tant que ça vient détruire. Eux, ils en parlent mais ne savent pas c'est quoi la trappe. Allez, lâche-moi la grappe. Allez, me file la grippe. Me file la maisonnette, la trappe. Vif on te grille, si elle me trompe, je la quitte. Si j'ai qu'elle la zèbre, je la gifle. Si je suis il faut que je l'attrape. Il est trop tard donc je la cire. Je mange à moitié, j'allume un bidon énorme. Un gros problème, on comprend pas, nous ça veut dire quoi les normes. On est des putains d'oracles au milieu des bornes. Et je marchais seul pendant des bornes. Et je marchais seul pendant des bornes.